Saint-Pierre-des-Corps, de Laetitia Bianchi, avec les élèves du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Troisième épisode. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans cette troisième émission consacrée aux voies des chemins de fer. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Grégory Palaste, chef de projet RATP. Grégory, merci d'être venu témoigner. C'est moi qui vous remercie. Mais avant de l'interroger sur le sujet qui lui tient à cœur et dont il va nous parler, on écoute quelque chose qui rappellera sans doute bien des souvenirs à nos auditeurs parisiens. Gardez les pieds à plat. Gardez les pieds à plat. Gardez les pieds à plat. Gardez les pieds à plat. Gardez les pieds à plat. Gardez les pieds à plat. Gardez les pieds à plat. Gardez les pieds à plat. Gardez les pieds à plat. Gardez les pieds à plat. Voilà. On entendait donc le célèbre message du tapis roulant ou trottoir roulant, vous me direz comment il faut dire, de la gare Montparnasse. Pour résumer la situation à nos auditeurs, je rappellerai que dans les années 2000, la station Montparnasse Bienvenue disposait d'un des fleurons de la technologie française. Un tapis roulant ultra rapide permettant de gagner du temps. Beaucoup de temps. Lorsque l'on allait de la ligne 6 ou 13 à, par exemple, la ligne 12 du métro parisien, ou l'inverse? Oui, tout à fait. Ce tapis a fait gagner 1 minute 30 aux 110 000 voyageurs transitant par la station. Ce qui, pour un usager quotidien, représentait 15 minutes de gagner par semaine. Mmh. Oui, j'ai noté ce chiffre qui avait circulé à l'époque. Pour quelqu'un qui aurait emprunté ce tapis tous les jours pendant un siècle, je ne dis pas que c'est courant, mais avec l'allongement de la vie, pourquoi pas, ça faisait quand même un mois de vie de gagner, ce qui est assez énorme. Enfin, je dis ça pour que les auditeurs se rendent compte de la prouesse technologique que constitue, ou plutôt que constituait, ce tapis roulant. Oui. Alors, on ne va pas entrer dans les détails techniques, n'est-ce pas? Mais disons, pour faire simple, qu'il y avait un système de variateur de vitesse qui en faisait le tapis roulant le plus rapide du monde, avec une vitesse de pointe de 11 km/h. Ce qui signifie, concrètement, que si vous restiez immobile avec vos bagages, vous alliez à 11 km/h, soit la vitesse d'un crabe. Pour quelqu'un qui marchait sur le tapis, cette vitesse montait à près de 15 km/h, soit la vitesse d'un cheval au trot. Et quand je dis trot, attention, ce n'est pas le petit trot du poney endormi, non, c'est un bon trot, presque un trot allongé. 15 km/h, c'est aussi la vitesse moyenne du crocodile, mais bon. Oui, c'est un peu moins parlant pour les gens. Et pour qu'on ait un ordre de grandeur, un tapis roulant normal fonctionne à... 4 km/h. La vitesse d'un dromadaire au pas, certes, mais par 45 degrés à l'ombre et chargé de 300 kg de bagages. Vous voyez qu'on n'était pas du tout dans le même ordre de grandeur. Ceci dit, on a volontairement ralenti ce tapis, parfois. Et c'est là qu'on en vient à votre combat actuel, qui est la remise en fonctionnement de ce tapis ou trottoir roulant. Puisque je rappelle à nos auditeurs que le tapis a été mis à l'arrêt en mars 2011 et remplacé par un tapis roulant classique, beaucoup trop lent à vos yeux. Donc racontez-nous ce qui est, selon vous, à l'origine de cet échec. Eh bien, le manque de civisme, tout simplement. Écoutez, je vais vous dire. Sur 183 mètres, l'usager lambda du tapis entendait environ 47 fois par jour, donc 235 fois par semaine, la phrase qui est la clé de voûte du fonctionnement du tapis. On peut la réentendre. Gardez les pieds à plat. Gardez les pieds à plat. Gardez les pieds à plat. Gardez les pieds à plat. Gardez les pieds à plat. Voilà, merci. J'aurais voulu qu'on l'entende plus longtemps. Oui, je sais, je suis désolée, on est obligé de couper. On est un peu pressé par le temps, comme toujours. Il aurait fallu écouter ce morceau en entier. Le temps de la durée totale des 183 mètres du tapis. Parce que c'est alors qu'on s'imprègne des mots, qu'on comprend réellement la portée symbolique de cette injonction, déclamée de manière si posée, si... Oui, ça ne donne pas envie de se mettre sur la pointe des pieds. Mais donc, toujours pour que nos auditeurs comprennent bien, pourquoi fallait-il les garder à plat? Les pieds. Alors je vais vous répondre, mais pour cela je dois d'abord éclaircir un point. J'ai parfois entendu dire, par des gens un peu mal intentionnés dirons-nous, que le tapis fonctionnait le plus souvent dans le sens allant des trains vers les métros que l'inverse, alors qu'il est plus grave de rater son train que son métro, ce qui reste à démontrer, mais la question n'est pas là. En réalité, l'objectif de ce tapis roulant ultra rapide était bien d'alterner les sens plusieurs fois par jour. Une prouesse technologique rendue possible grâce aux variateurs de vitesse situés de chaque côté du tapis, permettant au trottoir rapide d'être réversible. le hasard seul décidant si le tapis fonctionnait de gauche à droite ou de droite à gauche, au nom de l'égalité, de la stricte égalité entre les usagers. Mais alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi pas deux tapis roulants, un dans chaque sens ? Ah mais il faut garder le sens des réalités, on n'allait pas percer une avenue. Bon, les contraintes techniques, quoi. Et donc, vous souhaitez une remise en service de ce tapis dès la fin de l'année 2013 ? Tout à fait. Je vais vous dire. On a commandé une étude sur le couloir de la gare Montparnasse. Et que nous dit-elle, cette étude ? Elle montre que lorsqu'ils marchent dans ce couloir, la plupart des usagers entendent dans leur fort intérieur, je dis bien entendent, la voix qui nous disait « Gardez les pieds à plat ». C'est un peu comme Pavlov, vous savez, les chiens qui ont trop entendu la clochette. Tout ce temps que nous sommes voyageurs de la gare Montparnasse, nous sommes des chiens du tapis roulant, des hommes qui abaissent plus profondément leurs pieds dans le sol, des femmes qui déchaussent leurs talons. Tous, nous nous souvenons de l'injonction suprême, les pieds sur terre et bien à plat. Gardez les pieds à plat. À plat. Gardez les pieds à plat. Gardez les plats. Plein, pieds à plat. Gardez les... C'était pieds à plat. Saint-Pierre-des-Corps. Saint-Pierre-des-Corps, de Laetitia Bianchi, troisième épisode, avec Marlène Goulard, Sébastien Depommier et la voix de Julien Drillon. Bruitage, Sophie Bissens. Prise de son, montage, mixage, Éric Boisset, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Laure Egoroff.